Si j'étais elle, je couperais tout. Grosse tête affreuse, bien à l'aise, ils sont chez eux. Enlevez-moi ça de la tête, faites-les partir. En biologie, c'est elle qu'on aime à observer. Il y a même son chien, on dit qu'il l'a pas supporté. Elle a des boutons. Personne veut se mettre à côté d'elle. Elle a des boutons. Sont trop nombreuses, ont même des ailes. Ici, là et plein partout, faut l'enfermer loin de chez nous. Allez tout le monde, on va les écraser. Elle a des boutons. Y'en a qui disent qu'elle est sympa. Elle a des boutons. Tous ses copains sautent et parlent pas. Elle a des boutons. On dit même qu'elle en mange parfois. Elle a des boutons. Vite fais-toi vacciner, crois. C'est pour toi.